Altesse, Chilpé, Rino, le bal des ombres, c'est ça. Plus j'y pense et plus je me dis que j'aime bien l'universal. Je suis indépendant, j'ai pas le cacheton d'Universal, ni de Sony ou d'EMI. Là où que j'aille, faut que je me dise que je suis à haut niveau, rivaux, t'auras jamais mon style. Pas de complot dans mon dos, Altesse en mode commando, premier arrêt, Pinel et Zekondo. Je suis coté, un max à la bourse, tu fais la course sur le T-Max, petit clin d'œil à la source. Dédicace, super M et les prêles, faut que le message passe, dédicace, c'est la même. Représente Orgemont, la cité blanche, repenchant pour l'alcool coulé au trafic de blanche. On est tous forts, on calcule à compte et les billets. Combien je te dois, hein, quoi, j'ai déjà oublié. Et la mémoire, ça se fait rare comme une épidémie. Depuis le début, ils suissent des bites pour plaire à notre public. Ça, comme les rues de mon quartier, là où les fleurs ne poussent plus, vu que le béton nous pousse à l'épouser. Ça, parce que la vie ne fait pas crédit. Soit tu meurs, soit tu payes tes dettes, et là tu restes en vie. Ça, comme les sites et des espoirs, là où le shit est une monnaie, que l'alcool te laisse boire. Ça, comme l'encaissement de la Dijon, 22 ans, c'est normal, ouais, c'est pire à chaque génération. Y'a pas de magie, encore moins de surprise. La vie c'est qu'une prise, et sur piste, on assure, pisté par des suspis. Si eux, c'est du H, le blasillé, je ficelé. Si eux, slarpi, je suis poussillé. J'entame la course au trône, en trop, même si on est trop. Avis au MC, à métaux, le 9-3, le veto, je roule ma ce point en crédit. Comme la poste expédie, casse dédié à tous les refs du bitume qui casse des briques. On pousse le sol, on fait des pompes afin de muscler nos rimes, nos crimes. D'erreur mineure jusqu'à la crime. Fiché ton blast, fiche de recherche, fauché au check. Tu me check, dans tes yeux je ne vois que l'os de l'échec. Un soldat d'or en chaque mec qui trime. Est-ce tu au bitume? Éteins ton linge quand je rappe, le snare crame, le beat tue. Le beat les têtes cramées c'est mort, donc je suis mort d'avance. Nique les balances, fils de boucave, ça c'est mort, j'avance. Ça, comme les rues de mon quartier, là où les fleurs ne poussent plus, vu que le béton nous pousse à l'épouser. Ça, parce que la vie ne fait pas crédit. Soit tu meurs, soit tu payes tes dettes, et là tu restes en vie. Ça, comme les sites et des espoirs, là où le shit est une monnaie, que l'alcool te laisse boire. Ça, comme l'encaissement de la Dijon, 22 ans, c'est normal, ouais, c'est pire à chaque génération. Un petit sorti du hall pour t'expliquer la misère. Je passe mes nuits à écrire des textes et mes journées à visère. J'entends des nids ta mère pour fumer sur des terres. Mec, faut acheter de la frappe pour des pourrailles sur le terre-terre. Je suis armé, au cas où ça part en couille, moi je pars en douille. Toujours au pied pour les embrouilles, contrairement à toi qui mouille. Tu te demandes qui fait ça, c'est Rino qui fait ça. Je suis lancé, ambiancé, ouais, le bal est ouvert. Le bal n'est pas masqué, je reste à visage découvert. Je porte pas de costume, non, pas de déguisement. T'as du mal à rêver comme en cellule de déguisement. Salsa, avec la manche, toi serait la salsa. Je fume pas, bien des mégots sur mon palier. Des culs de joint et des molars salissent mon escalier. Sale, comme l'argent qu'on a dans nos poches. Sale gosse, sale, comme le bal des sombres en approche. Ça, comme les rues de mon quartier, là où les fleurs ne poussent plus, vu que le béton nous pousse à l'épouser. Ça, parce que la vie ne fait pas crédit. Soit tu meurs, soit tu payes tes dettes, et là tu restes en vie. Ça, comme les sites et des espoirs, là où le shit est une monnaie, que l'alcool te laisse boire. Ça, comme l'encaissement de la Dijon, 22 ans, c'est normal, ouais, c'est pire à chaque génération. Ça, comme les rues de mon quartier, là où les fleurs ne poussent plus, vu que le béton nous pousse à l'épouser. Ça, parce que la vie ne fait pas crédit. Soit tu meurs, soit tu payes tes dettes, et là tu restes en vie. Ça, comme les sites et des espoirs, là où le shit est une monnaie, que l'alcool te laisse boire. Ça, comme l'encaissement de la Dijon, 22 ans, c'est normal, ouais, c'est pire à chaque génération. Ça. Ça.